Zomwamba. Théodore Obiangema. Fondation Mbele. Robin Baza, qui sème les morts, récolte la tempête. Kaïbe chez Temba. Komanda et Vega. George Weah, Waka Waka. Zomwamba! Kyoto! Mes Makiadi, Yatamao, Papa na Jonathan. Alize Club, Titan Club, Tobi Nana Atlantis, Studio 46. Charlotte Dumalanga, Serge Kassana, Serka Serka. Y'a pas si toi. Salem service. Qui j'apporte ambassadeur. Petronel 5 étoiles. Chéri Pierre Juan Coco. Willy Mansan. Jean-François Mputu. Willy Tambe. Michel Jamba. Tinana Maya. Jean-Jacques Pandalios, tu mets ma lenga. Restaurant Jakarta. Christian Aguasa. Mutamuto Rajakura, patron, patron. José Likinga.